L'islamisme, d'après le Coran par Monsieur Garcin de Tassy. Exposition de la foi musulmane. Divers avis. Il faut observer fidèlement ce que Dieu a commandé. Faire les prières que l'on aurait omises, donner aux pauvres les dîmes que l'on aurait négligé de leur donner, se soumettre aux jeûnes prescrits que l'on aurait manqué d'observer, enfin s'acquitter du pèlerinage si on ne l'a pas fait. Prendre les connaissances religieuses et morales que chaque fidèle est obligé d'avoir. Fréquenter les assemblées des oulmas et agir d'après la décision de ceux qui, soit dans la théorie, soit dans la pratique, méritent la confiance, et non pas indifféremment d'après la décision du premier venu. Ne point assister aux réunions musicales, refuser d'écouter chanter les louanges de Dieu, les ans, le Coran et les prières. Note. Les ans, c'est-à-dire l'appel à la prière qui se fait du haut des minarets des mosquées. Fin de la note. Ne jamais manquer d'accompagner le nom excellent de Dieu d'une formule de bénédiction, comme qu'il soit exalté, qu'il soit béni, qu'il soit vénéré, et glorifié, louange à lui, que sa grandeur éclate. Faire pareillement suivre d'une prière les noms augustes du prophète de Dieu et des autres prophètes. Dans le discours écrit, tracer ces formules tout au long, et ne point se contenter de mettre une simple indication. Quand on nomme quelqu'un des compagnons du prophète, ajoutez, que Dieu soit content de lui, et après le nom d'un des docteurs et des chèques, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Honorer ses professeurs, ne point marcher devant eux, si ce n'est pour les guider, ne point commencer à parler avant eux, et ne pas parler beaucoup lorsqu'on le fait en leur présence, avoir pour eux toutes sortes d'égards, avoir grand soin de faire en toutes circonstances ce qui leur est agréable, ne leur résistez jamais, et quand même ils vous frapperaient ou se mettraient en colère contre vous, le prendre en bonne part et ne point s'en offenser. Enfin respecter les personnes qui sont dans leur dépendance. Faire des vœux pour que l'empereur des musulmans soit juste et équitable, et pour qu'il triomphe de ses ennemis, ne point faire d'imprécations contre lui en disant, c'est un tyran. Aller voir ses parents, et ne point cesser d'être lié avec eux. Avoir toutes sortes de respect pour son père et pour sa mère, ne point leur parler en élevant la voix, ne point les regarder avec colère, leur obéir, quelque chose qu'ils ordonnent, si cependant ce n'est point contraire à la loi de Dieu, supporter avec patience leur mauvaise humeur, et même leurs coups, ne point s'opposer à eux, avoir égard à leur goût, lorsqu'on se nourrit d'un mets qu'ils aiment, ne pas manquer de leur en donner, subvenir, autant que possible, à leurs besoins. Aimer tous ses frères, leur pardonner les défauts qu'ils peuvent avoir, recommander de faire le bien et d'éviter le mal. Ne tromper jamais, mais savoir repousser la malveillance par des paroles conciliantes. Éviter de beaucoup rire et de beaucoup parler. Ne point faire l'usure, ne point seconder les usuriers, ne leur servir ni de témoin ni d'écrivain. Observer scrupuleusement la loi, soit dans la vente, soit dans l'achat, ou dans toutes les espèces de trafic. Ne faire ni les fonctions d'imam, ni l'annonce de la prière, n'enseigner ni le Coran ni la théologie pour un salaire. Ne point aller sans nécessité à la porte du sultan, du qazi asker, du qazi, du bey, gouverneur d'une province de l'Empire ottoman. Note. À la porte est ici dans le sens de chez, nous dirions en franc, faire sa cour au sultan, etc. Fin de la note. Faire les prières en commun, Ne point laisser les pratiques fondées sur une tradition sûre, prendre garde de ne point donner dans des innovations. Note. Je mets ici une page de minutie concernant la prière. Fin de la note. Commencer ses prières par les louanges de Dieu et par des vœux pour le prophète. Faire mention dans ses prières de tous les croyants, et nommément de son père, de sa mère, de ses maîtres et de ses frères et sœurs, prier avec humilité et à demi-voix. S'humilier devant Dieu, confesser ses fautes et les pleurer, demander au Très-Haut la direction dans la voie du salut, le pardon, la santé, son bon plaisir et sa grâce, dans la crainte de perdre la foi, demander toujours une bonne fin. Remercier constamment Dieu du bienfait de l'islamisme. Ne pas manquer d'instruire, sur la religion, ses enfants et ses femmes, les empêcher de faire ce qui est contraire à la loi. Ne pas envoyer ses épouses à la maison de quelqu'un qui n'est pas mahrem pour elles, non plus qu'aux noces, au bain public, ni visiter ni complimenter ceux qui sont étrangers à la famille. Ne pas obtempérer aux discours de ces femmes dans les affaires importantes, s'accorder de temps en temps avec elles, soit en ce qui concerne l'ordre de la maison, soit sur la nourriture, vivre avec elles en bonne harmonie, fermant les yeux sur bien des choses, pourvu qu'elles ne désobéissent pas. Note. Les hommes sont supérieurs aux femmes, lit-on dans le Coran. Les femmes doivent être obéissantes et taire les secrets de leurs époux, puisque le ciel les a confiés à leur garde. Les maris qui ont à souffrir de leur désobéissance peuvent les punir, les laisser seuls dans leur lit, et même les frapper. La soumission des femmes doit les mettre à l'abri des mauvais traitements. Sourate 4, 38. Cette sévérité, qui choque nos mœurs, a lieu de nous étonner dans un homme aussi passionné pour les femmes que Mahomet, mais qui bien aime, disaient nos bons aïeux, bien châtie. Mahomet répétait souvent que Dieu avait créé deux choses pour le bonheur des hommes, les femmes et les parfums. Il est bon d'ajouter que les femmes sont bien loin d'être esclaves en Orient, comme on le croit communément. Lady Montagu n'hésite pas d'assurer, au contraire, qu'elles sont beaucoup plus libres qu'en Europe. Tome 1, page 145 à 147. Fin de la note. Ne revêtir les petits garçons ni de robe, ni de bonnet, ni de ceinture de soie, ne leur teindre de henné ni les mains ni les pieds. Faire commencer à prier ces garçons et ces filles à l'âge de 7 ans. Si, parvenus à l'âge de 10 ans, ils ne font pas leur prière, il faut les battre. Si on a des élèves, il faut en user de même envers eux. Enfin, on doit sans cesse demander pardon à Dieu, et avoir sur la langue ces mots, « Je remercie Dieu de sa grâce, je lui demande pardon de toutes mes fautes. » Note. Ici suivent 22 pages de minutie sur les cérémonies que l'auteur désire que l'on observe à sa mort, sur les purifications et sur certaines prières, etc. Je n'ai pas cru devoir traduire ces détails fastidieux, dont certainement on aurait pu soutenir la lecture. La seule remarque que je ferai, c'est qu'aussitôt qu'un homme est décédé, on lave son corps, et on l'enterre tout de suite, en vertu, dit Monsieur Dawson, de ces paroles du prophète, hâtez-vous d'inhumer les morts, pour qu'ils puissent jouir aussitôt de la béatitude éternelle, s'ils sont décédés dans la vertu et dans l'élection, et qu'au contraire, s'ils sont morts dans le vice et dans la réprobation, vous écartiez loin de vous des âmes condamnées au feu de l'enfer. Ce n'est pas tout, le corps est porté en grande hâte, à pas précipité, en vertu encore de ces mêmes paroles du prophète. On ne porte jamais le corps à la mosquée, et on n'y fait point de prières funèbres, parce que, disent les musulmans, le temple du Seigneur est pour les vivants et non pour les morts. Après diverses prières et diverses cérémonies, on dépose le corps en terre, le visage tourné vers la Kaaba de la Mecque. Voyez les détails dans le tableau de l'Empire ottoman, tome 2, page 309 et suivantes. Profession de foi et prière. Profession de foi. Les prières vocales sont pour Dieu, les prières corporelles et aumônières sont aussi pour Dieu. Salut et paix à toi, ô prophète de Dieu. Que la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient aussi sur toi. Salut et paix à nous et à tous les serviteurs de Dieu, justes et vertueux. Je confesse qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, je confesse que Mahomet est son serviteur et son prophète. Cette profession de foi se lit aussi dans Monsieur Dawson, tome 2, page 84. Prière pour Mahomet. Ô mon Dieu, sois propice à Mahomet et à la race de Mahomet, comme tu l'as été à Abraham et à la race d'Abraham, et bénis Mahomet et la race de Mahomet comme tu as béni Abraham et la race d'Abraham, ô toi que chaque créature loue et glorifie. Cette prière se lit aussi dans Monsieur Dawson, page 85. Prière à Dieu, Sanave Istifta. Ô mon Dieu, je t'adresse mes louanges, que ton nom soit béni, que ta grandeur soit exaltée, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Monsieur Dawson, page 79. Autre prière, Kunut. Ô mon Dieu, nous demandons ton assistance, ta miséricorde et ta direction dans la voie droite. Nous croyons en toi. Nous recourons à toi, nous nous confions en toi, nous reconnaissons que tout le bien vient de toi. Nous te rendons grâce, nous sommes bien loin de méconnaître tes bienfaits, nous nous humilions devant toi, nous abandonnons et rejetons ceux qui ne se soumettent pas à tes volontés. Ô mon Dieu, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous invoquons et devant qui nous nous prosternons. Nous dirigeons vers toi nos vœux et nos hommages, nous implorons ta clémence, nous craignons les tourments dont tu nous menaces, ces tourments affreux qui doivent punir les méchants. Ô Dieu, conduis-moi dans le vrai chemin, au milieu de ceux que tu y conduis, conserve-moi sain et sauf parmi ceux que tu conserves. Préserve-moi de tout malheur au milieu de ceux que tu préserves. Répands tes bénédictions sur ce que tu m'as donné. Garantis-moi du mal qui arrive par ta volonté, car tu ordonnes ce qui te plaît, et personne n'a sur toi la moindre autorité. Celui que tu protèges ne tombe point dans l'avilissement, au contraire, celui que tu es ne parvient point à l'honneur. Sois à jamais béni, ô notre Seigneur, sois exalté. Ô mon Dieu, j'ai recours à ta bonté contre ta colère, à ton pardon contre ta punition que je crains pour mes fautes, j'ai recours à toi contre toi-même. Je ne puis te louer dignement, toi seul as pu te louer toi-même. 10 petites prières qui se répètent cette fois. Premièrement, le premier chapitre du Coran, deuxièmement, le verset nommé El Corsi, troisièmement, dit, ô infidèle, etc. Quatrièmement, le chapitre du Coran intitulé, chapitre du culte sincère. Cinquièmement, les deux oraisons jaculatoires louange à Dieu et gloire à Dieu. Sixièmement, il n'y a de Dieu que Dieu, et Dieu est le plus éminent des êtres. C'est cette formule qu'on nomme Takbir. Septièmement, il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu très haut, très grand. Huitièmement, ô Dieu, Répands tes bénédictions sur Mahomet, et sois-lui propice, ainsi qu'à sa race. Neuvièmement, ô Dieu, pardonne-moi mes péchés, pardonne ceux de mon père, ceux de ma mère et ceux de tous les croyants. Dixièmement, ô mon Dieu, fais pour nous et pour tous les musulmans, soit à présent, soit à l'avenir, soit dans ce monde, en fait de biens spirituels et temporels, soit dans l'autre, fais, nous t'en conjurons, ce qui est digne de ta bonté et de ta miséricorde. N'agis pas envers nous et envers tous les musulmans, ô notre Seigneur, d'après ce que nous méritons. Exauce notre prière, ô toi qui es miséricordieux, doux, bon, généreux et clément. Markendan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.